23-20, activation orale, savoir, dépendre et pronom accentué. Révision. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? 1. Alors, quand venez-vous nous voir? Et vous dites? Nous ne savons pas. Ça ne dépend pas de nous. 2. Alors, quand viens-tu nous voir? Je ne sais pas. Ça ne dépend pas de moi. 3. Alors, quand Mireille vient-elle nous voir? Elle ne sait pas. Ça ne dépend pas d'elle. 4. Et Robert? Il ne sait pas. Ça ne dépend pas de lui. 5. Et tes parents, quand vont-ils venir? Ils ne savent pas. Ça ne dépend pas d'eux. 6. Alors, quand Georgette et ta mère viennent-elles nous voir? Elles ne savent pas. Ça ne dépend pas d'elles. Bon, alors, de qui est-ce que ça dépend?